Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 1, colonne 1. Revue étrangère. Il existe une certaine agitation en Europe, mais surtout en Angleterre, au sujet d'une guerre éventuelle entre la France et la Chine. Tous les jours, les dépêches télégraphiques nous apportent des nouvelles que nous ne recevons que sous toute réserve, principalement celles qui proviennent d'origine anglaise. La rapidité avec laquelle les quelques mille Français actuellement au Tonkin, ont eu raison des troupes annamites, ne fait que médiocrement l'affaire du lion britannique dont les succès de l'année dernière en Égypte se trouvent éclipsés. Jusqu'ici, on n'est pas encore sorti de la période des négociations entre la France et la Chine, de manière que toute nouvelle de l'invasion du territoire du Tonkin doit être considérée prématurée et mérite confirmation. La guerre avec la Chine serait une chose de peu d'importance si les Chinois devaient venir en France et l'attaquer chez elle. On ne s'en inquiéterait pas plus que d'un enfant qui dort dans son berceau. Mais il faut aller les trouver là-bas, et les difficultés de transport sont nombreuses. Quand une petite armée de 10 000 hommes doit faire face à une nation de 300 millions d'habitants, pouvant mettre sur pied une armée défensive de 1 000 hommes contre un, il est permis de déplorer une confrontation soudaine d'une poignée de braves contre des foules sauvages dont disposent les Chinois et auxquelles on ne peut contester la puissance du nombre. Si nous avons à New York quelques journaux très hostiles à la France, rédigés par les importations récentes et directes d'Angleterre et d'Allemagne, il y a aussi d'autres journaux, essentiellement américains, et qui savent donner en toute sincérité à chacun ce qui lui appartient. Le World, de la semaine dernière, dans un article de fond très remarquable, déclare trouver, dans l'indifférence de la presse américaine et des hommes politiques pour la prospérité de la République française, une indication de l'abandon par une classe très importante du peuple américain des idées vraiment démocratiques. Partant de ce principe très naturel en ce pays, que les États-Unis sont la première république du monde, il place la France immédiatement au second rang. Il ne se fait aucun scrupule de déclarer que la première doit à la seconde sa liberté. Malheureusement, poursuit notre confrère, l'Amérique ne reçoit ses nouvelles d'Europe que par deux canaux imprégnés de tendances monarchiques. Ses ambassadeurs, à force de se baigner dans les sourires de la royauté, ont oublié les sévères leçons de la vertu républicaine et sont devenus des fauteurs de sentiments aristocratiques. Les Américains ne voyagent plus guère que pour pouvoir, à leur retour, se vanter d'avoir serré la main d'un lord ou marier leur fille à des descendants de quelques vieilles noblesses européennes. Quel est le ministre américain ou le grand journal qui ne remplisse ses rapports ou ses colonnes de 1 000 détails sur les splendeurs des cours? Qu'on nous montre les diplomates ou les penseurs qui appellent l'attention de notre grande République sur l'imposant spectacle de cette noble France élevant de jour en jour, avec plus de persévérance et de succès, le magnifique monument de son gouvernement populaire, bien au-dessus des gouvernements aristocratiques, monarchiques ou despotiques qui l'environnent. Heureusement, la France n'a besoin de personne pour se tenir debout. La République a aujourd'hui 13 ans et elle est un peu plus forte qu'elle n'a jamais été. La prospérité du pays n'a jamais été plus grande sous aucun roi ou empereur. La France jouit aujourd'hui d'un calme politique qu'elle ne connaissait plus depuis près de 100 ans. C'est qu'elle a définitivement trouvé sa voie, et le peuple d'Amérique devrait se réjouir, tout autant que la France, de voir forte et permanente une république qui représente un siècle d'aspiration, de lutte et défaite, couronnés enfin d'un plein succès. La cordialité d'expression renfermée dans ces nobles paroles va droit à l'âme. Nous sommes heureux de les reproduire avec la certitude que nos lecteurs intelligents seront du même avis. Quand on touche à notre ancienne mère patrie, nous avons tous quelque chose en nous qui nous fait écouter attentivement et, pour ainsi dire, sans vouloir. De suite, un air de satisfaction se peint sur nos figures quand les nouvelles sont bonnes, de regret ou de contrariété quand elles sont mauvaises. Les journaux légitimes français nous arrivent avec de longs articles sur la mort de Henri V. Après avoir exprimé tous les regrets les plus sincères sur la mort de celui qui devait faire le bonheur de la France, mais que Dieu dans son infinie bonté avait relégué à l'étranger et loin du trône de ses ancêtres, ils affirment que la monarchie n'est pas morte en France et qu'elle possède son représentant légitime dans la personne du comte de Paris. C'est donc autour de ce dernier que toutes les aspirations légitimes vont se grouper pour attendre son heureuse installation comme roi de France. Mais ce n'est pas le tout que d'avoir des aspirations, des principes, des désirs, des opinions. Il faut quelque chose pour les appuyer et les faire valoir au besoin. Ce quelque chose manque au parti légitimiste, composé de bien bonnes et honnêtes gens, si vous voulez, mais n'ayant ni vigueur, ni énergie, ni initiative. C'est ce qui a manqué à Henri V à trois grandes époques de sa vie, en 1848, en 1870 et en 1873. S'il avait mis à profit le célèbre adage « Aide-toi, le ciel t'aidera », ou si les siens avaient eu des dispositions à le faire pour lui, les choses auraient certainement pris une autre direction en France. Mais quand un chacun veut rester derrière le rideau de peur de se compromettre, il en résulte que les affaires sont dirigées par d'autres qui, comme de raison, travaillent pour leur compte particulier. Néanmoins, nous sommes aussi d'avis que l'idée monarchique n'est pas tout à fait morte en France et qu'une fois ou l'autre, il sera peut-être possible à un prétendant quelconque de se glisser sur le trône. Il ne faudrait qu'une guerre malheureuse pour renverser la République comme pour renverser n'importe quel autre gouvernement. C'est la seule porte ouverte aux prétendants. Par l'insurrection ou les élections, la partie leur serait défavorable. Maintenant, devons-nous souhaiter une quatrième invasion de la France afin de permettre au comte de Paris de se faire couronner roi? Jamais. La France a assez payé de son sang et de son or les folies de ses rois et empereurs. Elle paraît bien décidée à vivre en paix, comme république, et elle est en position de se moquer de ceux qui voudraient lui contester le droit de choisir la forme du gouvernement qui lui convient le mieux. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike, et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.